Combien ont quitté leur terre avec espoir qu'on leur ouvre les portes. Pas tort, trop d'éther et pour ça ils ont quitté le port. Avec la foi pour allier motivation. Combien sont les frères qui sont ralliés dans cette mission. La plupart venus en France après la guerre, manque de main d'œuvre. Pour ça ils ont ramené nos pères, son à contrat. Foyer, ton père te racontera qu'il a taffé sans foyer et même sans contrat. Front National et leurs actes héroïques. Faire l'amalgame entre un musulman et un terroriste. L'État s'est entassé dans des bidonvilles. Mauvais contraste à ce qui paraît pourrissent la ville. Ils ont lutté, pleuré pour faire venir leur famille et enchaînent les taf pour pas être dans l'infamie. Issu d'un peuple opprimé, je me demande quelle est ma destinée. Pour l'instant j'ai choisi le rap pour m'exprimer. Rien n'est donné, gagné, ainsi est la vie. Primé, surmonté, c'est ainsi l'on m'a dit. Notre avant sur sa voie. Le meilleur partenaire c'est la foi. Rien n'est donné, gagné, ainsi est la vie. Primé, surmonté, c'est ainsi l'on m'a dit. Notre avant sur sa voie. Le meilleur partenaire c'est la foi. C'est triste de voir qu'autour de soi tout a changé. Plus je prends de l'âge et plus c'est dur de voir la vérité. C'est chaud, comment ma tristesse prend de l'ampleur. La première fois que j'ai vu les larmes dans les yeux de mon père. Des frissons viennent quand je repense que je lui ai appris. Fawzi, Lehmo est mort, il est parti. Depuis ce jour-là ma vie a pris un autre tournant. Je suis plus le même, deux fois plus fort et plus méfiant. J'ai grandi avec ma fierté et mon honneur. Et j'ai appris qu'on devient un homme dans la douleur. La patience, le savoir aide à trouver sa voie. À chaque époque on a souffert, ça faut le savoir. Je respecte, mon grand-père n'est pas venu pour rien. Comprends, je me sens aussi français que je me sens algérien. Garder la foi nous aidera à rester fort. À force, ce monde devient de plus en plus hardcore. Rien n'est donné, gagné, ainsi est la vie. Primé, surmonté, c'est ainsi l'on m'a dit. Notre avant sur sa voie. Le meilleur partenaire c'est la foi. Rien n'est donné, gagné, ainsi est la vie. Primé, surmonté, c'est ainsi l'on m'a dit. Notre avant sur sa voie. Le meilleur partenaire c'est la foi.